Chapitre 6e. Le calvaire de Chiffon. Le comte de Saint-Rion, après cette expérience qui tourna à sa confusion, ne jugea pas à propos de renouveler la tentative. Il disparut après avoir annoncé au président du Ronton et au commissaire de police de Mantes qu'il partait à la recherche de Paulette. « J'espère, déclara-t-il, arriver à reconquérir le cœur de Madeleine quand je lui ramènerai notre enfant. » Au fond, il sentait que le terrain était mauvais pour lui au Ravenel. Cependant, en s'éloignant, il se promit de tirer vengeance du jeune avocat. C'était lui, à son sens, qui avait manigancé cette scène. C'était Maître Thirion qui dressait Madeleine contre lui, à son profit peut-être, pourquoi pas. Peut-être bien encore au profit de ce Jacques Dalmet. Dans son esprit, Maître Thirion et Jacques Dalmet, certainement, s'entendaient pour capter les millions de Madeleine. « Mais halte-là » s'écria-t-il, « je suis encore là, et tant que je serai là, ils ne les auront pas. » Toutefois, Clotho Zigomar devait, quelque dépit qu'il en eût, se rendre compte qu'il avait absolument perdu la partie. « Il faut, se dit-il, laisser passer la main. La chance va revenir. Attendons. » Pour mieux attendre, il se rendit à son cercle, où il risqua sur le tapis vert l'argent qu'il avait, et aussi celui qu'il n'avait pas. « Malheureux en amour !» se dit-il, heureux au jeu. Le proverbe, cette fois, ne mentit point. Le comte de Saint-Rion gagna une assez forte somme. Un peu consolé de son échec au Ravenel, il se lança plus que jamais dans la vie de débauche dans la grande vie. Son nom fut cité dans les échos mondains des journaux. C'est là que Perpignan et la belle bourbonnaise qui le guettaient, qui le cherchaient, finirent par le découvrir. « Il est à Paris, » dit l'illustre Perpignan, « il faut aller le trouver. » La troupe Perpignan, qui se composait de Bouchancœur, de Madame son épouse et du gamin Chiffon, quitta donc le midi. Le séjour au Pays du Soleil n'avait pas été heureux pour les banquistes. L'illustre Perpignan, quoique doué d'une belle faconde, ne pouvait attirer les gens de Provence ou de Gascogne. Les romances pleurnichardes de la belle bourbonnaise n'obtenaient aucun succès dans ce pays où tout le monde est chanteur. Ce ne fut plus seulement les cafés, les bouillibouilles de village qui refusèrent d'entendre les deux grands artistes, mais même dans les rues, quand ils mendiaient en chantant, car ils en étaient là, on ne leur jetait que rarement des sous. C'était la misère noire, la faim, le coucher à la belle étoile, la vie des cheminots dans toute son horreur. Et dire, faisait parfois avec rage la belle bourbonnaise, que je porte là, sous mes jupes, dans ma poche entrepôt, une cassette contenant la valeur de plusieurs millions. Mais il fallait gagner Paris. Parvenir jusqu'au comte de Saint-Rion, à Clotho, pour le toucher, ses multiples millions. Et comment arriver jusque-là? Perpignan, il fallait bien vivre, se remit à faire des tours de force. Et s'étant aperçu qu'on donnait plus facilement à Chiffon qu'à lui, qu'à Zélie, il eut l'idée d'employer l'enfant. Il se mit à dresser la pauvrette à faire des tours d'équilibre sur les chaises. En voyant cette pauvre petite, qu'on prenait pour un garçonnet, souffreteux, chétif, malingre, peiné pour accomplir des tours de force, les cœurs étaient touchés, les sous tombaient dans la sébile. Les banquistes pouvaient manger, boire surtout. Plus que jamais, la belle bourbonnaise et Bouchancœur s'adonnaient à leur vice. Leur crainte était de n'arriver dans la capitale que quand Clotho en serait parti. Cela mettait en fureur Bouchancœur, et il en rendait déjà responsable la malheureuse Paulette, le misérable Chiffon. L'illustre Perpignan aurait voulu lui apprendre des tours de plus en plus difficiles, espérant gagner plus d'argent. Mais Paulette, toujours faible, mal nourrie, mal soignée, ne pouvait pas les réussir. Alors Perpignan la battait. Dans les premiers temps, la belle bourbonnaise la protégeait, empêchait son époux de la frapper. Mais Bouchancœur tournait sa colère contre Zélie, et le ménage n'allait plus. « Comment veux-tu que nous arrivions à Paris à temps ?» clamait l'illustre Perpignan. « Si nous ne gagnons pas d'argent, il faut que Chiffon nous seconde, nous aide. » Peu à peu, pour avoir la paix, la belle bourbonnaise laissa Bouchancœur s'arranger avec Chiffon comme il l'entendait. Elle se contenta de protester, de crier. « Ne le tape pas si fort, ce petit, ne l'estropie pas. Allons donc, ça lui donne des muscles, ça lui fait du bien, » répliquait la brute. La troupe traînait avec elle tout son attirail dans une espèce de voiture à bras que poussait Bouchancœur. Il y avait là les accessoires des représentations, deux chaises en bois peintes en blanc, un misérable tapis, des poids, des casseroles en fer, une marmite, trois cuillères et trois fourchettes, en fer aussi, des gobelets en fer provenant d'équipements militaires de rebut. La troupe campée hors des villages donnait une représentation, partait quand le temps le permettait. Et Paulette, la jolie Paulette, s'en allait sur les grands chemins à pied, par le soleil ou par la pluie, couchant dans des grottes, dans des trous, derrière des haies. C'était une fête pour elle quand elle pouvait s'étendre un peu sur la paille tombée d'une meule, sur un paquet d'herbes. Alors, la pauvre petite dormait avec bonheur. Bravo Paulette, enfant née pour être chérie, caressée, gâtée, quelle vie de privation, de misère, de souffrance. Pendant ce temps, sa mère, la douce et aimante Madeleine, s'était avec le tout dévoué maître Thirion mise en campagne pour la retrouver. Mais pas plus que les autres, pas plus que les agences auxquelles le comte de Saint-Rion s'était adressé, Madeleine et maître Thirion n'arrivaient à découvrir la moindre piste, le plus petit indice. « Cherchons toujours, cherchons, mon ami, » disait Madeleine, qu'aucun échec ne lassait. L'avocat la secondait de son mieux et s'employait autant que possible à la satisfaire, mais il n'avait plus confiance, lui, et il croyait que jamais on ne retrouverait l'enfant. « À moins d'un miracle, » disait-il à son cousin le président, « nous ne reverrons plus Paulette. »« Mon cher ami, » répondait le digne président, « dans notre siècle de prosaïsme et de positivisme, il y a deux choses divines qui peuvent encore produire des miracles, c'est l'amour pur, l'amour d'un homme pour une femme, ou d'une femme pour un homme, et c'est surtout l'amour maternel. »